15h12 sur le 95FM, vous êtes bien à l'écoute comme tous les dimanches à partir de 15h de l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno et c'est sur le www.rqc.be, on est ensemble jusqu'à 17h. L'émission Rock the Nations sur Facebook, eh bien la page s'appelle tout simplement Rock the Nations. Ou n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma page perso, Bruno Iron Alford. Iron Alford en un seul mot avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. Émission spéciale aujourd'hui avec un focus consacré à D-Side. On attend avec impatience nos invités, c'est-à-dire Rémi et Marianne Cocotte, on les attend avec impatience et de ce fait on les attend en musique. On a commencé l'émission avec Ross Tattoo en 1978, leur premier album Rock and Roll Outlaw et le blues le classique Butcher and Fast Eddie qu'on retrouve sur le premier film de Bernie Bonvoisin paru à la fin des années 90, à la fin des années 90 et c'était le film bien sûr Les Démons de Jésus. Juste à l'instant, les Bordelais, excellent Bordelais de Berserkers, auteur d'un deuxième album appelé Lock and Load, très très intéressant, paru en juin dernier. On a extrait le titre The Foolish Man. On reste en 2016 avec les Australiens de Airborne, I'm Going to Hell for This. C'est extrait de leur dernier album Breaking Out of Hell. Et sachez que Airborne en concert, c'est le lundi 12 décembre prochain à partir de 20h et c'était à l'aéronef de Lille. Mais là, tout de suite, c'est un extrait de leur tout dernier album, Airborne. From Lebanon. Yeah, it's time for me to change. They come from all around. It's time for you to realize freedom has been found. It's time to meet the future and forget about the past. It's time to make a good thing last. And the night has just begun. Another dawn is yet to come. Carry on, my little one. Yeah. Go from Lebanon. h 22 sur le 95 FM à l'instant, Europe en 1991, l'album Prisoners in Paradise, avec qui Marcello à la guitare bien sûr, puisque auparavant il y avait John Norum, et c'est le morceau qui clôture cet album, Girl from Lebanon. Nos invités sont bien arrivés, bonjour Rémi et bonjour Marie-Annick. Salut. Oh, faut dire bonjour Marie-Annick, prends le micro avec toi s'il te plaît. Salut tout le monde. Ah voilà. Ça a été la route ? Ouais, ça a été. Tranquille. Bon. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, cher ami. Un petit peu emmerdé avec les bouchons, mais ça a été. Ah, voilà, j'avais pas pris le bon micro, en fait. excuse-moi. Donc, honte à moi, c'est une faute. Mais voilà, donc, Rémi, t'es bien arrivé pour nous parler de ta passion pour le groupe infâme de Glenn Benton et Steve Asheim, ouais. D-Side. On voit ça un peu plus tard, on repart en musique. Pas de problème. Alors, on va repartir avec, attention, on va repartir avec du white metal, s'il te plaît. Striper, en 1986, l'album To Hell With the Devil, paru sur le label Enigma, et le morceau qui clôture la face A de cet album, The Way. Loneliness, c'est l'album du mois sur Rock the Nations, avec un extrait donc de Thunder in the East et le morceau Run for Your Life. Il reste encore deux dimanches pour découvrir ce fabuleux album datant de 1985. On part en 2016 et on part en France avec Born From Lie, leur album The Promised Land paru sur le label Brennus. Et vous commencez à bien connaître cet album dont on a extrait quelques titres. Et là, cette fois-ci, on s'écoute le morceau Far Away From Here, Born From Lie. It will never be forgotten. Nothing could have prevented us from the hour which happened. Can you hear me? I don't know if you'll wake up someday. Can you hear me? You seem to be away. Just at the wrong place at the wrong time. When this bomb explodes on the street, now you'll stay between life and death in an eternal sleep. Can you hear me? Right on. Far away from here. Right, Pantera en 1990, l'album de la révélation Cowboys from Hell, et le morceau qui clôture l'album The Art of Shredding. Et donc, suite à cet album, la carrière du groupe explose. Multiples tournées aux États-Unis en compagnie de Suicidal, Exodus en Europe bien sûr, en compagnie de Annihilator et de Judas Priest. Et puis après, retour en studio pour Vulgar Display of Power, et là c'est l'explosion, et depuis Pantera fait partie des grands noms de cette musique que nous aimons tous. On part en Angleterre, à l'époque de la New Wave British Heavy Metal, il y avait pas mal de bons groupes, et puis il y en a qui existent encore, tant bien que mal, c'est le cas de Raven, les Increvables de Newcastle Raven, avec un extrait de leur dernier album, et on s'écoute le morceau Feeding the Monster. We'll be right back. trust me, she can handle it. She's not exactly bubbler, but I can't feel her sweet meat. She wants me as a senior. Les excellents Overdrivers sur Rock the Nations avec un extrait de leur unique album à ce jour, Rock in Hell, paru cette année, et le morceau, le blues à la AC/DC The Jack, Hot Driver. Il est 15h50 sur le 95FM www.rqc.be, l'émission Rock the Nations avec Rémi et Marie-Annick Cocotte qui sont toujours là. Ouais. Tout va bien ? Ouais, très bien, très bien. Eh bien, merci à vous de votre présence. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour le focus consacré à D-Side. Mais là, tout d'abord, c'est la double dose consacrée à No Return avec un extrait de leur troisième album dans une veine power, la Machine Head Pantera du plus bel effet. L'album s'appelle Seasons of Soul, paru en 1995, et le morceau Paralyzed Conflict. We'll be right back. La double dose de No Return à l'instant avec un extrait de leur deuxième album Contamination Rises, paru à la toute fin de l'année 91, produit de main de maître par Tom Morris dans ses studios à Tampa en Floride au Morris Sound, et extrait de ce fabuleux album, c'était le morceau Trash World. Dans quelques minutes on retrouve Rémi qui nous parlera de sa passion pour le quartet infernal de Glenn Benton et Steve Asheim, j'ai nommé D-Side, mais tout d'abord on repart en musique et aussi également une date de concert, puisque tout à l'heure j'ai passé les excellents Overdrivers, j'ai oublié de préciser leur prochaine grosse date, il s'agit du festival Les Neuroquiennes qui aura lieu donc à Neuilly-les-Mines le samedi 12 novembre. Alors outre les Overdrivers, il y aura également le death metal de Fracasme, Headblaster qui nous propose du stoner power metal à la Pantera et tous les groupes de la New Orleans, Pete Can Matkan, alors là c'est à mon avis c'est du pagan metal, Hopkins qui fait du heavy metal bien old school paraît-il, et le premier groupe c'est les Carlos Not Dead qui nous propose du punk rock festif. C'est 5€, c'est à partir de 15h l'ouverture des portes, hein. Il y a un petit metal market de prévu, ça pourrait être intéressant, et bah voilà quoi, jusqu'à 1h du matin il y aura donc 1, 2, 3, 4, 5 groupes, 5€, franchement 1€ le groupe, ça vaut vraiment le détour, il faut se déplacer, il faut soutenir ce genre d'initiative et il faut être nombreux, tout simplement, il faut que ce soit complet. Allez, On repart en musique, une des dernières sorties de chez Great Dane Records, une réédition, celle de Cataral, et on s'écoute, extrait de cette réédition, le morceau Dressed in Blood and Puke. Straight down to hell, and my life. 16h08 sur le 95FM, www.rqc.be, c'est l'émission Rock the Nations jusqu'à 17h avec Bruno et Rock the Nations sur Facebook, et bien c'est l'intitulé Rock the Nations, tout simplement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page, il y a les playlists, il y a quelques dates de concerts également, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon profil perso, Bruno Iron Alford, Iron Alford en un seul mot avec le I et le H, s'il vous plaît, en majuscule. Juste à l'instant, on a commencé le focus consacré à D-Side avec un extrait de leur tout premier album paru en juin 1990 sur le label Roadrunner, l'album auto-intitulé et le morceau Sacrificial Suicide. Juste auparavant, c'était Cataral avec un extrait de leur album Flesh Grave sur le label Great Dane Records et le morceau Dressed in Blood and Puke. Rémi. Oui. Tout va bien ? Tout va bien. Ça y est, le focus consacré à D-Side vient de commencer, Sacrificial Suicide. C'est toi qui as préparé la programmation complète concernant ce groupe. Alors d'où te vient cette passion pour le quartet infernal emmené par Glenn Benton et Steve Asheim ? Ben, à vrai dire, c'est un groupe que j'ai connu un coup en écoutant une musique comme ça par hasard qui tournait sur YouTube. J'ai tout de suite accroché à ce groupe. Donc du coup, je me suis mis à chercher tous les autres albums. Les CD, les titres, différents concerts, etc. J'ai tout réuni et j'ai poursuivi comme ça, quoi. Et c'est un groupe, moi j'adore ce qu'ils font tout simplement, aussi bien au niveau du style qu'au niveau que les paroles, le contexte, etc. Quoi. C'est vraiment, c'est tout ça que j'aime chez eux, quoi. C'est unique en son genre, je dirais. Alors en général, les fans de death metal connaissent et apprécient D-Side, bien sûr. On a longuement parlé de ce groupe hors antenne. Leur discographie n'est pas exempte de... Il y a quand même quelques albums qui sont moins indispensables que d'autres. Alors pourquoi plus ce groupe, plus qu'un autre, je dirais, incontournable comme Morbid Angel, Cannibal Corpse ou même Vader, par exemple? Moi après je les aime tous au même titre, mais c'est vrai que D-Side, déjà par leur thème, j'accroche beaucoup à leur thème de chanson. Aussi bien aussi la personnalité de Glenn Benton qui est, je vais se dire, assez atypique quand même. Un personnage haut en couleur, hein, faut ouais, dire un personnage haut en couleur avec un sacré caractère également. Oh que oui. Non, et puis comme je disais, notamment le thème des chansons, le fait vraiment de dénoncer tout ce qui se passe avec les religions, etc. Après, c'est vrai que dans le temps, à cause de ça, ça leur a valu des censures et autres contraintes, mais bon. Ça fait parler. Ça fait parler, oui. Alors, si tu as un album préféré du groupe, lequel choisirais-tu ? Là, tu me demandes le monde, Bruno. je dirais Légion. Legion ? Oui. Ah oui. 28 Legion. Minutes, pourtant, un album très court, 8 titres, et forcément, en tant que fan de D-Side également, j'ai longuement regardé leur discographie, j'ai eu l'occasion de les voir en live, et curieusement, ils n'interprètent qu'un seul titre de cet album, en général. Ouais. Donc, on écoute, par exemple, le morceau, là, Set and Spawn, en musique de fond, donc c'est vraiment un album qui t'a marqué. Ouais, cet album-là, il m'a marqué, notamment la chanson qui est dedans, Dead But Dreaming. Qui est prévue. Qui est prévu, ouais, puis c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué, je dirais même peut-être la meilleure de l'album, et puis aussi une de leurs chansons les plus cultes, je pense, qu'on retrouve parfois, je pense, dans pas mal de playlists différentes. Bon, après, c'est vrai qu'en live, ils jouent une seule chanson de cet album-là, ils privilégient plutôt les autres. Après, peut-être que aussi ils avaient donné, si je me souviens, une raison pour laquelle ils faisaient pas plus de chansons de l'album Légion en live. Ah écoute, si tu t'en souviens, vas-y. Je crois qu'ils avaient préféré évoluer, passer à autre chose plutôt que de garder les playlists d'antan. D'accord. C'est ça qu'ils avaient voulu évoluer. Ouais. D'accord. Ouais, mais sinon, c'était pour ça, si je me rappelle bien. On repart en musique. Avec un deuxième extrait issu de ce premier album, t'as choisi trois titres de D-Side et un seul de Legion, alors que c'est ton album préféré. Ouais. C'est curieux. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le premier est également une pure tuerie, et on va s'écouter le morceau Oblivious to Evil. Quelques mots à propos de ce titre. Je dirais qu'il reste dans la veine du premier album. Un morceau relativement court. Ouais, morceau relativement court, plus ou moins dans la même veine que Sacrificial Suicide. Enfin, j'ai hésité quand même parce que je voulais en plus ajouter Carnage in the Temple of Damned. Mais bon, je me suis dit après, ça va peut-être faire un peu beaucoup de titres quand même. Mais de toute façon, tout l'album en lui-même, il est génial. Donc, Eh bien, c'est parti pour le focus. On continue donc avec extrait du premier album, le troisième titre, Oblivious to Evil Decide. Nothing is up, nothing down. Yes, c'est le focus consacré à D-Side en Rock the Nations en compagnie de Rémi. Tout va bien Rémi ? Tout va bien, tout va bien. Bah forcément, on est bien tatin avec du bon son. Oh oui. 100% une programmation 100% Rémi, hein, forcément. Et donc extrait encore de ce fabuleux premier album. J'aurais tendance à dire c'est peut-être mon préféré avec Stench of Redemption. Stench of Redemption, c'est quand même un pur album aussi. Et c'était extrait donc de ce premier album, Dead by Dawn. Alors, qui dit fan dit collectionneur, Rémi. Ouais. Donc, t'as compté à peu près combien de pièces tu possédais, en sachant que, bon, t'es pas de la même période que nous, t'es pas de la même époque, donc t'as découvert un peu plus tard D-Side par rapport à, aux personnes qui ont connu dans les années, début des années 90, quoi. Donc, combien de pièces possèdes-tu, tu as compté ? Pour D-Side, vraiment. Ouais, D-Side. Ben, ouais. D-Side, j'ai la discographie complète, les deux DVD, et j'ai réussi à retrouver... Bon, je dirais par chance deux cassettes de l'époque, donc Amon Feasting the Beast et Légion. D'accord. Voilà, que j'ai retrouvé vraiment totalement par hasard. C'est un pote qui me les avait filés, donc voilà. Merci les potes. Hein. Ouais, merci les potes, ouais. Bon. Bah oui, non, pour mais lui, c'est ça. Pour ça valait plus rien, pour moi ça valait beaucoup. Bah exactement, bah voilà, ça fait un heureux. C'est sûr. Donc là, franchement, belle surprise de ce coup-là, quoi. Donc, tous les albums, les cassettes, les DVD, t-shirts également, je présume. T-shirt, j'en ai que 4, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les t-shirts de D-Side. Enfin, encore, je parle des t-shirts de D-Side, mais ça vaut aussi pour Morbid Angel ou alors tous les autres vieux groupes de Death de l'époque. J'ai énormément de mal à trouver. Comme je dis, c'était à l'époque. Maintenant, pour retrouver, à part les achats particuliers à particulier, je dirais, c'est pas possible, quoi. Et donc, quelle est la pièce que tu recherches à l'heure actuelle ? Après, y en a pas mal, moi je suis un peu preneur de tout avec ces mêmes t-shirts, patch, badge, même vieux fanzines de l'époque ou alors magazines aussi de l'époque qui parlent des groupes presse étrangère aussi. Donc par exemple Metal Hammer, Revolver, etc. Ça je recherche aussi, enfin tout ce qui concerne le métal entre 80 et 90 quoi. Faut passer à l'appart, hein. Faut passer à l'appart. Non, mais en plus, j'ai rangé tous mes magazines et je peux te trouver facilement ce que tu recherches à propos de ce groupe. Quoi. Bon, je revends rien, hein, bien sûr, mais... Enfin, voilà, ça peut te donner quelques pistes. Voilà, je recherche tel Metal Hammer. Juste voir ce qu'ils se disaient à l'époque, parce que bon, Internet, c'est bien, mais bon, quand on a le magazine entre les mains, c'est encore mieux. Ouais, tout à fait. En plus, bon, bah, comme Glenn Benton est un grand bavard et a beaucoup de choses à dire, c'est forcément. je me rappelle parfaitement de quand il y avait des interviews de Dayside, c'est quasiment le premier truc que je lisais parce que je savais qu'on allait passer un bon quart d'heure tellement il avait de choses à dire. Quoi. Ah bah il y a eu quelque chose il y a pas très longtemps avec Slipknot là, dans le genre clashé, c'était pas mal quand même. Là. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, je ouais. sais pas si t'avais vu, c'était pas mal quand même. Glenn Benton qui clashait Corey Taylor. Aurait été l'heure voulait soi-disant aider D-Side à partir en tournée, à décoller. Ouais, enfin bon, un groupe comme Pantera l'avait fait avec Morbid Angel. Ah bah c'est sûr. Ou même Satyr Icon en Europe. Ouais, c'est sûr. Bon bah ça. Enfin voilà, on va pas cracher dessus non plus. Ah quoi. Bah non, c'est sûr, on va pas cracher dessus. Bon, après Glenn Benton, c'est Glenn Benton, à toute façon, on l'aurait pas, faudrait l'inventer. Exactement. Allez, on repart en musique. 1995, voilà la sortie du troisième album du groupe, Once Upon the Cross, paru au printemps 95. Est-ce que tu as vu cette fameuse télé française avec Tina Kiefer ? J'y crois pas. Ah oui, avec Pierre Palman à l'époque qui faisait des yeux, qui s'écartait à chaque fois plus que Glenn Benton y parlait. Oui, oui, bah, y avait pas grand chose à dire malheureusement. Ah ouais, c'était du lourd. Ils lui ont pas laissé la parole et puis bon, bah, enfin voilà quoi. Ah ouais, ils ont même pas fait du Glenn Benton dans le texte. Hein. Ouais. Ils l'ont même pas laissé se défendre rien. C'était. Bah, c'était à cette époque, à l'époque de Once Upon the Cross. Et y avait un journaliste qui lui posait la question, mais pourquoi tu t'es fourvoyé là-dedans ? Il m'a dit, bah, le billet d'avion était payé et puis j'étais payé par Roadrunner, comme par TF1. On m'a tout payé, donc voilà, hein, on va pas cracher dessus. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, à côté de ça, il s'est fait traiter pendant une demi-heure, mais bon. Bon, c'est le métal, on a l'habitude. Ouais, on a l'habitude dans le métal, ouais. Allez, extrait de l'album Once Upon the Cross, paru donc au printemps 95, le morceau Kill the Christian. We'll be right back. Yes, c'est le focus consacré à The Eastside avec un extrait de l'album Scars of the Crucifix, premier album sur le label E-Rake en 2004 avec le morceau d'ouverture du même nom. Vous êtes bien à l'écoute de Rock the Nations, il est déjà 16h30 et le temps passe vite. Rock the Nations c'est jusque 17h sur le www.rqc.be, également sur le 95FM sur les ondes et sur Facebook, l'intitulé Rock the Nations ou également ma page perso. Bruno Iron Alford, Iron Alford avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux à laisser vos commentaires et vous féliciter Rémi pour sa prestation. Rémi, tout va bien, j'allais t'appeler Lémi. Lémi, Rémi. Ça finit pareil, mais ça commence pas pareil. Ah, mais bon, Lémi, Rémi, deux grands personnages. Hein. Bah ouais. Et au moins, Rémi, j'ai quand même l'occasion de te connaître. Ouais. Donc voilà. Que Lémi, ça tombe, c'est un parfait connard. Attention à ce que je dis, Bruno, on ne dit pas de mal de Lémi, mais non, je l'aime Lémi, je l'aimais, j'étais fan de Motorhead, et on passera encore du Motorhead la semaine prochaine et dans les semaines à venir pour rendre un énième hommage à ce grand, grand monsieur qu'est Lémi, Ian Fraser, Lémi Kilmister, bah oui. D-Side, repartons sur Glenn Benton et Steve Asheim. Tu les as jamais vus sur scène? Non, j'ai pas eu l'occasion. J'aurais pu l'année dernière au Hellfest, mais bon, j'ai pas pu avoir ma place, donc j'ai dit bon, bah ça attendra. Ouais, ils passent. Ouais. Il y a une époque, c'était quand même assez rare. Hein. D-Side viennent en Europe, ils avaient eu pas mal de galères. Bah, ils ont été interdits, de toute façon. Ils ont été interdits pendant 6 ans de venir, donc. En Europe? Ah ouais, bah quand ils sont pointés au Hellfest l'année dernière, si je me trompe pas, ça faisait 6 ans qu'ils étaient pas venus, ils avaient été interdits. D'accord. D'accord, bah tu m'en apprends une, parce que bah, j'ai eu l'occasion de les voir en... Bah, à l'époque de Serpent of the Light, donc en 98 au Summer Clash, c'était avec Amon Amarth. Il y avait également Brutal Truth, Six Feet Under, j'en passais les meilleurs. Et puis après je les avais vus, mais Glenn Benton n'était pas là, il y avait des problèmes avec sa future ex-femme. C'était le mec de Dissinter qui le remplaçait, un groupe polonais à la basse et au chant. Donc ouais, les venues européennes se faisaient rares, mais bon, je ne savais pas qu'ils avaient été interdits de séjour pendant 6 ans. Ils avaient été interdits pendant, ben, justement à cause des associations, tout ce qui est religieuse, chrétienne, etc., en raison des propos des chansons. D'accord. Et on parlait hors antenne et sur Facebook également, l'actualité, il va y avoir un nouvel album. Alors il va y avoir un nouvel album, ils sont actuellement en studio, donc le studio Audio Hammer, donc, qui a produit notamment Trivium, Devil Driver et Whitechapel. Et donc ça sortira chez Century Media Records, c'est Glenn Benton qui l'a confirmé il n'y a pas très longtemps. Y a un nom pour ce nouvel album? Bah pas encore, mais bon à mon avis... Bon, d'accord. Ça sent le... Ouais, ça sent le truc bien, classique, bien blasphématoire. Ouais, bah je sais qu'il n'y a pas très longtemps sur leur Facebook, ils ont mis une image de profil, un genre de crâne comme ça sur un corps de femme complètement écorché. Je me demande si c'est pas une petite piste, mais bon, rien de vraiment sûr quoi. Et donc sur Century Media, il y a une date précise de sortie? Début 2017, non? Bon, ils ont dit 2017, mais bon, après, on verra bien. Donc ce sera le successeur de In the Mind of Evil qui était sorti en 2013. Un bon album? Un bon album, ouais. Ouais. Ouais. Je dirais même qu'ils ont inclus un petit peu plus de mélodies que dans les autres albums, je trouvais. Surtout notamment sur les chansons End of Wrath of God, sur God Kill et sur. Ben, The Mind of Evil, la première chanson. God Kill, qui est prévu également, c'est le dernier morceau de ta playlist. Mm-hmm. Alors, on a écouté Sacrificial Suicide, Oblivious to Evil, Dead by Dawn, extrait du premier album, Kill the Christian, de Once Upon the Cross, Scars of the Crucifix, de l'album du même nom. Eh bien, on part en 1997 avec Serpents of the Light, c'est le morceau qui ouvre l'album du même nom. Mm-hmm. Pourquoi ce morceau plus qu'un autre? Moi, je trouve que c'est le morceau qui est le plus marquant de l'album. Certainement. Je t'avouerai que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas écouté. C'est produit par Scott Burns. Oui. Je trouve le son un peu bizarre quand même. Hein. Un peu brouillon par rapport aux autres, en fait. Ouais, tout à fait. Plus crade, ouais. Exactement. Ouais, peut-être un peu plus. Bon, peut-être que ça, après, c'est peut-être un choix. Ils ont peut-être voulu revenir dans une production comme avant. Il y a des groupes qui veulent le faire. Bon, après, on va dire ça plaît ou alors ça plaît ou ça plaît pas. Après. Eh bien, on va voir si ça vous plaît. C'est parti. Serpent of the Light, c'est le focus consacré D-Side en compagnie de Rémi. Mmh. Yes, le Focus Adicide, ça continue avec bien sûr Rémi et un extrait de l'album de 2006, The Stench of Redemption, un de leurs tout meilleurs albums. Perso, j'aurais choisi le morceau d'ouverture que j'adore vraiment, mais celui-là est pas mal non plus, avec un clip, hein, Homage for Satan. Mmh. Et aussi voilà. La petite reprise qu'il y a sur cet album-là. C'est sur cet album-là, là. Ouais, mais en fait, c'est un drôle de truc. Hein. Bon, j'ai chopé comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, non, pas comme tout le monde, mais je l'ai chopé dans un magasin, le box Stench of Redemption, avec les cartes postales, enfin. Voilà quoi. Et sur le site d'Irek, il y a le même coffret mais avec un titre bonus, donc une reprise de Black Knight de Deep Purple, et également disponible sur la version vinyle noir et pas sur le picture disc que je possède également. Donc c'est peut-être le seul titre de D-Side qui me manque vraiment. Conclusion, acheter américain. Bah non, Irek c'est anglais. Ouais, bon, anglais. Je me trompe en force avec. On parlait des frères Hoffman qui ont formé le groupe Amon. Tu possèdes leur album, ouais, j'ai leur album dans la même lignée que D-Side. Ouais, quand même. Bon, à part, je trouve que c'est encore plus technique que D-Side. D'accord. Parce que je sais qu'une fois j'avais vu le bassiste en photo sur internet. Bon, j'avais dit, ouais, effectivement, on commence à voir arriver la basse 6 cordes. Je dis, ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est quand même pas mal. Puis bon, je trouve que tout ce qui est solo et tout ça, c'est beaucoup plus poussé que dans D-Side. Quand même. D'accord. Voilà, puis ils ont un bon chanteur aussi qui s'appelle, si je me trompe pas, JKL. Ah, parce que c'est un bassiste et un chanteur. En fait, c'est un quatette. Je crois que c'est bassiste-chanteur, ouais. Ah, bassiste-chanteur, donc ouais, bassiste, ils sont chanteur, un 4. Ouais. D'accord. Et non, mais sinon, bah, c'est un bon album aussi, hein, bon... Je sais que les dernières fois que j'avais vu des nouvelles, ils attendaient d'avoir un label pour parce qu'ils avaient changé, ils avaient produit leur album. Et après, bah, ils attendaient un label pour faire des tournées, pour promouvoir l'album et peut-être même en commencer un deuxième. D'accord. Donc voilà quoi. Donc les frères Hoffman, ouais, qui sont derrière tout ça après leur départ de chez D-Side. Un départ plus que houleux. Hein. Oh oui, c'est le cas de le dire. On va repartir en musique, mais tout d'abord, je voulais revenir sur les diverses émissions de radio qu'on peut retrouver toute la semaine, en dehors bien sûr de Rock the Nations. Et ça commence dès ce soir, à partir de 22h, Killing Machine, et à partir de minuit, Killing Machine Live, sur le Saucisse Pois Chiche, www.radiocampuslille.com. C'est avec Arnaud et Bébert, le mardi de 20h à 22h, sur Radio Morvan, radio-morvan.fr, et c'est avec Laurent, c'est l'émission Hot Rockin', troisième émission qui aura lieu ce mardi. C'est plus ouais, hard rock, heavy metal, old school, vraiment les grandes années du metal entre 77 et 93, 93, 94. Et c'est donc tous les mardis de 20h à 22h, je rappelle, sur le www.radio-morvan.fr, Hot Rockin' avec Laurent. Le mercredi Riff Eater, c'est sur www.boomerang.fr, donc sur le 89.7 avec Max Bastardator et Julien King Size, et c'est l'émission Riff Eater de 19 à 21h le mercredi, toujours le mercredi sur le Saucisse Pois Chiche, www.campuslille.com, l'émission Thief Grinder de 21h à 22h avec Jean Damien, et enfin le vendredi l'institution Tapage Nocturne de 21h à minuit avec Manu et Dimi Grigric. C'est sur quelle radio? J'arrive jamais à le citer, s'il c'est te plaît. C'est Lionel Spiegel. Lionel Spiegel. Ouais, Lionel Spiegel. Oh, voilà, voilà. Et donc, c'est avec, bien sûr, Manu et Dimi Grigric du vendredi de 21h à minuit. Répète un peu, s'il te plaît. Sur la radio Lionel Spiegel. Voilà, très bien. Non, mais comme ça, au moins, les auditeurs, ils savent vraiment de quoi je veux parler. Allez, on repart en musique avec voilà, un extrait du deuxième album, Legion, ton album favori, mm-hmm. et le morceau Dead But Dreaming. Autre chose à rajouter, Rémi? Bah écoute, apparemment, non, c'est un très bon album. Légion, je veux pas dire que c'était leur apogée, mais c'était quasiment ça. Quoi. Produit avec par le fidèle Scott Burns. Mmh, toujours le même. Eh bien, on y va, c'est parti, Dead But Dreaming. Hey! Bah alors Rémi, t'aurais pu me prévenir que le morceau était terminé. On sent pas bête, non, c'est pas grave. En fait, c'est un album que j'ai très peu écouté. Je dis pas que j'aime pas cet album, hein, mais bon, comme c'est le vinyle, c'est à l'époque où j'avais plus de platine vinyle, bah du coup, j'achetais des disques et je les rangeais, quoi. In the Minds of Evil, le dernier album de D-Side en date, paru en 2013, et c'était le morceau Got Kill, paru sur le label Century Media, et donc un nouvel album en préparation et prévu pour l'année 2017 pour la bande de Steve Asheim et Glenn Benton. Ouais, exactement, on attend ça avec impatience. Voilà. Enfin, on attend des nouvelles déjà avec impatience. Eh bien, en tout cas, je voulais vous remercier tous les deux, n'est-ce pas, pour votre présence. Bah, de rien, et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures métalliques. Pas de problème. Normalement aux neurochéennes. Normalement aux neurochéennes, ouais. Neurochéennes. Ouais. N'oublie pas le nœud. Exactement, exactement. Donc voilà, bah écoutez, encore merci de votre présence. On va terminer. Bah ouais, j'ai le temps de passer un titre et demi. On va passer une des dernières nouveautés de chez Great Dane Records, le label de Raph, avec Postmortem, l'album God with Horns et le morceau Spine Trophy. Spine trophy, crashing spine trophy. Spine trophy, cutting. jamais content. Hein. Post-mortem, un énième post-mortem, il y en a tellement des post-mortem. Les post-mortem américains, celui-ci est parisien, il me semble. L'album God With Horns, paru sur le label Great Dane, et le morceau Spine Trophy. On va terminer l'émission en douceur avec un morceau de heavy rock qui tâche Q5 avec le guitariste Floyd Rose, celui qui a inventé le Mediator. Je dis des bêtises, bon ben ça me reviendra, ne vous inquiétez pas, ça reviendra la semaine prochaine. Le vibrato, voilà, c'est lui le vibrato Floyd Rose, le vibrato qui ne désaccorde pas les cordes de la guitare. Et extrait de leur premier album, Still the Light, paru en 1984, on s'écoute le morceau Missing in Action. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 15h pour de nouvelles aventures de Rock the Nations. Et sur ce, eh bien, bon après-midi et à très bientôt. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Ciao, ciao!